J'ai vécu des bourbiers fantastiques. On a sauté mais sans élastique. Hélas, pélo, faudrait qu'on t'explique. Demande à mes gars quand c'est hard, ça pique. J'ai dû être vif pour voir ce qui s'étire. Ça te laisse sceptique, hein. C'est sur toi que ça tire. Aussi logique que les aimants s'attirent. J'suis sur Saturne, j'veux faire toute cette tune. J'sais pas ça tue, on est versatile. T'inquiète Yachi, man, on est versatile. Là y'a bien 4G, dans le packaging. Et j'ai bossé le truc, mais j'me suis pas assagi. Viens bosser, tout va bien. Une putain snitch, tout va mal. J't'aimais d'abord tant, mais j'peux plus être costaud. Non, tout le monde fout de la mort. L'ennemi m'a fait le mort. J'te laisse une faveur pour les lever sur la course. Hey, pour les tout la maille. Moi j'm'en souviens pas de toi, ma mémoire joue des tours. Là, et tous les jours là, hey, que l'oseille, hey, que le gangan, hey, que des gangs, ah ah, la vie gangan. Nouvelle fois, ah ah, pas de fougueux. J'ai dit qu'à ma soupillon, dans la sauce on met le piment. Y'a pas que la piniche, nous pillons, l'épée et papillon. Bibi dans le pavillon, cuisine la recette du million. Je veux pas faire ça mille ans, je veux haute couture de mille ans. Maintenant je me mélange, les couilles pleines, je vis dans le jeu. Elle veut jouer un jeu dangereux, et y en a pour qui t'en veux. Elle voit qu'elle bosse, elle fait nada, j'fume, me rapproche d'Amada. À l'arrière du 3008, refond dernier passage. À tes carrés, tu brasses toi, j'te vois faire, c'est pas ça. J'pèse dans le calme, des passants, perturbé, j'suis passable. À tes carrés, tu brasses toi, j'te vois faire, c'est pas ça. Perturbé, j'suis passable, j'prends mon veille et basta. Si ça sent la mort, ça sort de la norme. Dévoue pas ta vie, j'écoute aucun ordre. Bien sûr, j'ai la posture, j'ai tiré sur les bords en costume. Je fais ça sans remords, mais pas la mort. J'ai du gaz dans ma veste, boy. Faut que tu restes bien dans la reste, boy. R, tu peux plaire à plein de types, je veux être plein de cibles. J'ai mes principes, j'ai mes périodes. Je deviens puissant sur la scène, elle est belle si je perds. En restant longtemps discret, je veux long, pas trop d'histoire. Faut pas chier dans mon secteur, sectaire. Maintenant j'aime plus tout le temps, maintenant j'active tout, pour pas rester distant. J'ai la réplique, on se nouvelle et pas tente. On va faire d'attente.